Bonsoir, petits et grands. Décidément, j'ai du mal avec le micro. Là. Les dernières émissions, ça a été la catastrophe. Et là, voilà, je démarre sans brancher le micro. Et oui, la machine à son, vous reconnaissez tout de suite la facture. Le truc, le petit truc en plus. Et oui, ça s'appelle... Non, on va pas le dire. Donc, bienvenue, petits et grands. Vous êtes de nouveau dans la machine à son. Et comme l'indiquait la voix charmante tout à l'heure, la machine à son est une émission qui s'écoute de nuit. Et voir allongé. Mais ça, c'est vous qui choisissez. Donc, nouvelle émission de la machine à son, de la machine à son, mais avec le professeur, nous nous sommes rendus compte d'un truc pris par cette créativité viscérale que nous déchargeons tous les mercredis, nous n'avons pas vu le temps passer. Et oui, il s'est passé 13 ans depuis la première machine à son. Donc, on s'est dit, 13 ans, ça porte malheur, retournons l'affaire, le mal par le mal, fêtons nos 13 ans. Donc nous avons fêté allègrement ensemble nos 13 ans, c'était très très bien. J'ai expliqué notre absence pendant une ou deux semaines, le temps que nous nous remettions de nos agapes. Et donc voilà, oui, certaines ont le courage depuis 13 ans d'écouter la machine à son vent. Et compte vous les nouveaux venus qui déjà n'en pouvaient plus, eh bien non. Et sachez qu'il y en a certains qui depuis 2010, et ouais, il y en a certains d'entre vous qui avaient 9 ans, 10 ans, bon, d'autres qui en avaient déjà 50, 60, je sais. Mais bon, ceux-là justement, c'est les anciens. Donc qu'ils en soient remerciés, eux. Eh oui, 13 ans de la machine à son, 13 ans d'absurdité, de trucs un peu abracadabrants, de ratés. Vous voyez, en 13 ans, j'ai toujours pas appris que pour parler dans le micro, il faut d'abord appuyer sur le bouton rouge, qui n'est pas rouge en fait, qui est vert. et voilà, c'est pour ça aussi. Voilà, j'ai pas d'altonien, mais j'ai du mal avec le rouge et le vert. Eh oui, ne me croisez pas en voiture. Le professeur, c'est pire, lui, il ne conduit pas, il vaut mieux pas. Donc voilà, le professeur, alors bon, comme ça, parce que lui, il était quand même très, très, très, très inquiet de ce coup du 13. Hein, 13, oh là là, il m'a dit ça va être une catastrophe et tout, toute l'année, on va avoir que des merdes. Bon, c'est vrai qu'on en a eu pas mal. Mais moi, bon, à mon avis, ça, c'est plus dû à nos ondes en tant que technicien, quoi. Voilà, on a quand même une solide formation, quoi. Et ça s'entend de suite. Donc voilà, mais en fait, ça va bien se passer, je l'ai rassuré. Donc du coup il m'a dit celle-là je te la laisse entièrement parce qu'il avait un peu peur. Alors du coup je me suis fait plaisir, donc on va pas chercher dans les trucs hyper compliqués, on va pas faire non plus la nouba d'anniversaire, sortir les flonflons, le champagne et la petite flûte, mais ça s'étend trop, désolé. ça y est, je me suis perdu tout seul, c'est dingue ça. Non bref, voilà, on va faire un peu de, comment dire, une petite sélection pour me faire plaisir, pour faire plaisir au professeur, et bien sûr, pour vous faire plaisir à vous aussi, puisque vous êtes quand même derrière le poste, qu'on vous occupe un petit peu quand même. Sinon, après, vous allez vous coucher, un peu retourner, un peu déçu, vous n'aurez pas eu ces montées lyriques pendant une heure. Donc allez, je ferme ma tronche, et ah ouais, déjà presque quelques minutes que je parle quand même, 4 minutes, c'est quand même dingue. Et nous allons commencer donc d'abord par vous mettre en condition. C'est-à-dire, en fait, vous chauffez... attendez, je vérifie que tout soit en marche. Voilà, tout est prêt. Et oui, vous chauffez un petit peu l'intérieur, parce que la machine à son est aussi, vous le savez bien, une émission sensuelle. No, I don't wanna love you. Cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why... I haven't called you, 'cause I know you could possess my body, could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. You are sure you say you're right on and you're righteous, but with me I know you'd be right off, 'cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl, and just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You scorch it just like a hot iron. Leave me burning alone in the dark. 'Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. You like to be in charge. And with me, well, you know you couldn't control it, don't you? 'Cause you know I'd make you drop your guard. 'Cause I'd have you in your ego. I'd make you pocket your pride. And just as hard as I'd be loving you, boy, well, you know you'd be loving me harder. That's why I don't wanna love you. Machine à son est une émission qui s'écoute aussi en dessous de la ceinture. Et oui, il fallait bien que je vous mette un petit peu dans l'ambiance. Alors, ce ne sera pas forcément l'ambiance de toute la soirée. Rassurez-vous, la température est telle dehors que je ne veux pas non plus que vous mouriez asséché, desséché plutôt. Ou alors, on est en, comment on dit, enfin bref, en, oh là là, ça y est, je fais tout tomber, les écrans et tout. C'est pire qu'un film de des Charlots. Ouais, bref, je sais plus où j'en étais, enfin bref, je cherchais un terme très savant que j'ai évidemment oublié mais qui me reviendra peut-être dans un quart d'heure, donc si je trouve une autre phrase je la remettais dedans. Donc voilà, oui, juste pour vous dire que voilà, ben, je vous ai fait un petit peu monter la température, mais c'est normal, il faut être à peu près en équilibre avec l'air du temps, et ouais, c'est comme ça. il fait chaud, réchauffement climatique, réchauffement social, etc. Donc normal que, voilà, on peut que vous suiez, je sais pas comment on dit ça, en tout cas que vous ayez des sueurs. Mais une bonne solution, si jamais ça dépasse la température autorisée, pensez à votre frigo. Je suis né nu dans un frigo. I'm naked in a frigo. Ma mère m'a attendu comme le métro. My mother is pregnant like the underground. De la station Schumann à la station Sainte-Catherine, sans fil l'aiguille du boulot. In the station Schumann, in station Sainte-Catherine, poor people brought to work. Grand place de Bruxelles, les fleurs poussent comme les touristes. Grand place Brussels, the flowers grow like tourists. Marché aux puces, j'ai vu Didier, André, Lisette. Flea market, I see Didier, Andrew, Liza. Enfoui dans une poubelle, garnie par des travaux. Hiding in a garbage pail, prison for the world. On m'a dit, tu vois, c'est Bruxelles. Someone says, you see, this is Brussels. Baignant dans une poussière d'employés de ministère. Floating in the dust, works of the ministry. Dis, monsieur l'agent, car je suis étranger. Dis, monsieur l'agent, I'm a stranger. Dis, monsieur l'agent, je suis nu dans mon frigo. Dis, monsieur l'agent, I'm naked in my frigo. Je suis nu dans mon frigo, donc je conserve l'espoir. I'm in my frigo, where I conservate my hope. Soyez tous papiers, nous serons livres. Everybody's paper, everybody's self-service. Je me régénère dans un bain de malentendus. In a bath of no understanding, swallow in the morning. L'hirondelle du matin sur son fil se maintient. Sitting on the telephone line. Wise punks, tough punks. You think you're getting away with something? Well, I'm gonna give you a big fat message. I don't know, he's always wearing shades. Does he know? Wow. Hello, everybody outside there. Is it really true love? Or is it non-true love? I don't know. Let's find it out. Too many girls messing around with me. And that girl's messing around with me. Hey, me. Down in the alley, dead on a summer night. Jerry never flied, had so much to hide. Fag hags burned him with tool and all lights. Bad news from the underworld. Broken down boys and tragedy girls. Bad news from the underworld. Dreams are cold as rebels grow old. Debbie isn't ready. Hang-ups and steady, dance till the sun comes up. Teddy's flaws are super heavy. For bondage, he's never ready. Last night at the Gold Cup, he threw up. Yeah, yeah. Bad, bad news. Yeah, bad, bad, bad. Broken down boys and the tragedy girls. Are cold. Bold control in rock and roll means nothing. Nothing to the soldiers at the Jelly Roll. Nothing. They've gone bald. Mm-hmm. Up against the wall. Hi. Double gender sweater. Satan's sleaze, Levi's in grease, that's mom's burden, the pleasure chest, gator hogs like wild dogs break all the rules and pass bills, darkness from the underworld, broken down boys and tragedy girls, bad news, bad news, bad news from the underworld. Dreams are cold as all the rebels grow old. Bad, it's bad. No news is bad news. Bad news! How many of you people got in free tonight? Raise your hands. Oh, there must be a lot of rock critics here. That's bad news, anytime. Bad New York rocker, bad slash magazine. You're as old-fashioned as downbeat. The fag hags of the world hate you. And you probably think Jethro Tull invented rock and roll. Something dumb like that. Hi. Bad news. How are you? Bad. I'm looking for somebody. Can you tell me how late you're open? Que tu sois brune, que tu sois blonde, Bastos. Ou nos sportifs zins à la ronde, Bastos. Nous préférons tous ta fraîcheur, Bastos. Qualité et ta saveur, Bastos. Tu es la reine des cigarettes, Bastos. Tous les instants de la journée, Bastos. Sont agréables car chacun sait, Bastos. Avec Bastos, l'on a genie, Bastos. Sois chez soi, chez les amis, Bastos. C'est bon la vie, Bastos. C'est pourquoi nous t'aimons bien. Que l'on danse sur ce refrain. Bravo, merci, Bastos. avec ta fumée qui s'envole. Bastos, il ne reste que des jours heureux. Bastos, plein de soleil et des ciels bleus. Bastos, tu es l'ami de tous les jours. Elle est torgnole, qui dégringole. Allez, bip, bip, bip. Allez, baigne, il faut que ça saigne. Allez, claque. Et les mandales qui font mal. Et les tartes. Ah, moi, je me retiens pas, il faut que ça parte. La rédaction de la machine à son tient à vous prévenir que le Tapfex est un jeu radiophonique qui ne doit jamais, au grand jamais, être réalisé en usage privé. Like a Peroon. His wolf whistles way out of tune. He checks out all the chicks he can, 'cause he's a dirty old man. He checks out all the chicks he can. Check them chicks out. He drinks his homemade punch. That's why he's out to lunch. He checks out all the chicks he can. He's a dirty old man. Just a dirty old man. He's a dirty old man. Such a dirty old man. What a dirty old man. What a dirty old man. Such a dirty old man. Would you like to? Yes, yes. Light me a cigarette? No, honey, you don't have to smoke right now. Thank you. Hop là. Eh bien, vous êtes toujours dans la machine à son et c'est le petit décrochage régional, un cœur, une chanson. Et oui, ce soir, chanson dédicacée à Sœur Jacqueline par Père François. Un cœur, une chanson. C'est parti. Merci, merci pour ce bon décrochage. Retour, voilà. Retour à la machine à son. Et oui, c'est une émission pleine de malfaçons. Ta mère descend les escaliers, un cercueil dans les bras. Ton père est sur le toit, il joue avec le chat. Ta sœur est dans le frigidaire, le lit du Jacques Prévert. Chérie, comment veux-tu que je reste chez toi? Ton chien est déguisé en Napoléon. Il joue de la trompette et de l'accordéon. Les assiettes et les couverts s'amusent à saute-mouton. Hé hey chérie, comment veux-tu que je reste chez toi? Les oiseaux sur le balcon chantent le chant du départ. Les plantes sont carnivores, elles mangent ma guitare. Ta grand-mère apprend le yoga trop tard le soir. Hé hey chérie, comment veux-tu que je reste chez toi? Les théories d'Einstein sont écrites au plafond. Mon lit n'est jamais fait, il est bien trop profond. Les chaises sont en papier et les murs sont en carton. Hé hey chérie, comment veux-tu que je reste chez toi? Ta concierge ne m'aime pas, son mari est coiffeur. Les gens dans l'ascenseur essayent de me faire peur. Je n'ai jamais de lettres, ton grand-père est facteur. Hé hey chérie, comment veux-tu que je reste chez toi? J'essaye de m'échapper. Sur la place du marché, une chose m'a étonné. La statue de la liberté a des chaînes aux pieds. Hé hey chérie, comment veux-tu que je reste chez toi? De long, de long, de long, de long, de long. Merci, merci, merci, merci. Oui, oui, oui, oui, bah oui, c'est un morceau un peu classique, mais quand même un très bon morceau. Mais par contre, j'en ai vu certains qui dansaient comme des nazes. Alors, allez, heureusement que le professeur a un grand ami à lui, Monsieur Perpal, qui en Perpal, non, bref, il n'y a pas de jeu de mots à faire, qui est professeur de danse. Vous allez voir que c'est un professeur, presque professeur de chant aussi, vous allez voir. C'est fantastique. Donc là, pour tous les branques là, que j'ai vu danser, qui dansent très mal, ben voilà, vous êtes sauvés. Attention les copains, écoutez-moi. C'est facile de danser comme moi. Essayez, tout ira très bien. Au danse avec moi. C'est facile, tu verras. Allons chérie, bien danser. Je connais tous les nouveaux pas. Toutes les danses à coco. Moi je vais te les montrer. Les rythmes les plus nouveaux. Tu pourras tous les danser. Je connais tous les nouveaux pas. Et le copain, vous avez des problèmes. Alors stop. Et quand je dis stop, il faut arrêter. Claquer des doigts. Avec moi. Continuez. Vous l'avez. Tous ensemble. Frappez les mains. Frappez les mains. Et quand je dis stop, il faut arrêter, claquer les doigts. Avec moi, continuez. Vous l'avez. Autant ça fait quoi. C'est facile, tu verras. Parce que pour toi, il faut qu'on soit américain. Quoi. Ah, comme ça, si c'est un américain, il peut me dire hey, c'est les... hey, c'est les sauces, ça me glotte. Teach me how to cha-cha. And you think it is a foul. You ain't fooling me. nous voici à la fin de la machine à son. Fallait bien que ça s'arrête. Et ouais, ça fait 13 ans que ça dure, mais ça s'arrête toutes les heures. C'est excellent quand même. Comme... la machine à son. Attendez, je baisse un petit peu. Allez, comme vous avez été gentil ce soir, je vais vous raconter un peu ce que vous avez entendu. D'habitude aussi, je le fais parce que je suis quand même pas un chien, mais bon, c'est toujours un peu bordélique. Là, je vais prendre quelques minutes de plus. On va baisser un petit peu. Voilà. Un tout petit peu. Voilà. Pas trop non plus parce que. Voilà. Donc, derrière, je vous présente Alan Vega avec son fantastique Ghost Rider, histoire de fantôme à moto, etc. Machin. Avant ça, vous avez écouté les Pandoras, fantastique Pandoras, groupe de filles de Californie, 80, 80 enfin, des années 80, fantastique. Il y en a une qui est décédée il y a peu, mais c'est pas grave, elle a bien vécu. Avant Kleenex, des Suisses. J'ai pas grand chose à vous raconter à part qu'elles étaient Suisses. Bob, un groupe qui s'appelle Bob, voilà, B.O.B., plutôt aux alentours des années 80. Avec The Thing That You Do, un truc assez synthétique, mais vraiment, vraiment, vraiment excellent. Pierre Perpal avec Stop, il faut arrêter. Bon, ouais, il a bien fait d'arrêter lui aussi. The Cramps, You Got Good Taste. Bon, c'est quand même pour se faire plaisir avec le professeur, hein, parce que si nous, on se dit pas qu'on a bon goût, il n'y a personne pour nous le dire. Maria Sol, Isono, Alain Delon. Bah oui, mais ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. Sur les histoires d'anniversaire, de machin. Maria Sol et nous, c'est toute une histoire. Long Chris avec son fantastique plan de fugue. Comment s'échapper de chez votre petite amie si ça va pas avec la famille. The Devils, Put Your Devil Into My Ass. Bon, il y avait une petite dédicace personnelle du professeur des gens de sa famille. Betty and the Politician avec l'excellente reprise The Time of Day, mais avec une version un peu plus moderne de je sais pas quand. The Ed Cotis, Dirty Old Man. El Blazik avec son fameux tapfex. Attention, pas de tapfex à la maison. Les Kilt avec leur Jerk Bastos, ça fallait quand même le faire à l'époque. Enfin non, à l'époque c'était facile, aujourd'hui ça serait impossible, mais bon, Jerk Bastos quand même. Kim Foley, Bad News from Underworld, un grand classique de la machine à son, mais ça vous fait du bien. Novak, fantastique Novak, première fois dans la machine à son, Too Many Girls. Nato, l'incroyable belge Nato, Je suis nu dans mon frigo. Et avant ça, la dégoulinante Betty Davis avec son Anti-Love Song. Et ben vous voyez, pour une fois, je finis pile à l'heure. À la semaine prochaine. Et bien sûr, ne raccrochez pas, vous êtes...